t'étais tout pour moi et tu le restes encore. T'es si loin et si proche, ma voix approche ton cœur. On dira dès l'arté se lance en lover. Mais tu sais pourquoi je pleure? Parce que c'est game over, parce que je craque et je meurs. Dis-moi que c'est un entracte, car je t'aime encore. Encore plus, pourtant si loin de ton corps. Je me sentais si proche, t'étais ma cam, t'étais ma drogue. Ne nous fais pas ça parce que l'on mérite bien plus. Je sais bien que tout est fini, mais t'as toujours ta place. T'es toujours la même à mes yeux, toujours sous soleil. J'étais rappeur de Paname, réchauffé comme à Marseille. J'étais cet homme libre, maintenant je suis prisonnier du désespoir. Je cherche un abri, me manque un appui, un exutoire. Je sais que mon ex c'est toi, je sais que mes ex c'est tard. Mais je rêve encore de l'étoile que j'effleurais de mes 10 doigts. Rien à foutre, ce son je ferai tourner. Comme on a ma tournée, détournée de ses tourments. N'oublie pas qu'on s'aimait, qu'on s'aime. N'oublie pas qu'on s'aimait, qu'on s'aime. Rien à foutre ce son, je le ferai tourner. Comme on a ma tournée, détournée de ses tourments. N'oublie pas qu'on s'aimait, qu'on s'aime. N'oublie pas qu'on s'aimait, qu'on s'aime. Je connais pas un couple sans on n'y pas. Je te comprends mais je batte sans te voir. Je m'évade mais c'est avec l'alcool et c'est naze. Je veux pas te perdre, j'ai déjà perdu ma pommade. Le soleil de ma vie, tu peux m'appeler le cadavre. J'étais fou à mourir de what. Bien sûr c'est une image, merde j'ai mal. C'est plus qu'un drame, il me faut plus que ta voix. Il me faut juste t'avoir. Mon visage, je le rêve et j'ai les yeux ouverts. J'aperçois les mirages, l'insulté serait me perdre. J'ai la tristesse plus que la rage. C'est un audit à voler, mais t'es grande pour savoir. Je suis à bout, je craque, mais contre lui, je suis sans armes. Je vais pas faire la racaille car je t'aime et c'est comme ça. Mais j'ai confiance, je sais qu'un jour je te retrouverai. Je t'aimais dans le passé, je t'aimerais ces 100 années. C'est 100 années, c'est 100 années. Rien à foutre, ce son je ferai tourner. Comme on a ma tournée, détournée de ses tourments. N'oublie pas qu'on s'aimait, qu'on s'aime. N'oublie pas qu'on s'aimait, qu'on s'aime. Rien à foutre ce son, je le ferai tourner. Comme on a ma tournée, détournée de ses tourments. N'oublie pas qu'on s'aimait, qu'on s'aime. N'oublie pas qu'on s'aimait, qu'on s'aime. Rien à foutre ce son, je le ferai tourner. Comme on a ma tournée, détournée de ses tourments. N'oublie pas qu'on s'aimait, qu'on s'aime. N'oublie pas qu'on s'aimait, qu'on s'aime. Rien à foutre ce son, je le ferai tourner. Comme on a ma tournée, détournée de ses tourments. N'oublie pas qu'on s'aimait. N'oublie pas qu'on s'aimait, qu'on s'aime.